L'agonie de Richard Génaud, lu par K00 et Fred pour audiocité.net. Numéro 6. Peu à peu, j'émerge des bras de Morphée. Je me sens lourd et je n'arrive pas à clarifier mes idées. Je cligne les yeux. Où suis-je donc? Je ne parviens pas à me le rappeler. Il fait drôlement sombre. Je ne perçois rien, ne serait-ce le scintillement d'une étoile, une étincelle. Rien, rien que du noir. Ce noir où le clair-obscur est une hérésie au sein de cet univers. Je parviens à tendre les bras. Mes gestes me coûtent en effort et je parviens difficilement à bouger. Que se passe-t-il donc pour que je ne réussisse pas à faire les postures les plus élémentaires? J'explore mon univers dans un premier temps de façon circulaire afin de saisir ne serait-ce qu'un objet qui me soit familier. Ma vue s'est adaptée. Je perçois les formes tout autour. Je dois posséder une sorte de sens radar qui me permet de voir à travers mon cocon. Au-dessus de moi, je sens comme une sorte de dôme. En dessous, même chose. On dirait que je flotte entre ces deux parois. Je ne repose sur rien. Effroyable. Au bout de plusieurs essais, je parviens à briser le cocon m'entourant. Je repose bien, dans un œuf. Étonnant, celui-ci est relié à une sorte de machinerie incompréhensible pour moi. Une lumière diffuse inonde progressivement ma prison. Qu'est-ce que ce bazar? L'œuf brisé, dans lequel je suis assis, mesure environ 2 mètres pour une circonférence de 80 centimètres. Comment puis-je deviner la taille de ce sphéroïde rien qu'en le regardant? Et je sens qu'au fond de moi-même que c'est la dimension exacte. Cela doit être l'effet du réveil. Je fabule complètement. Cette couche est reliée à une armoire métallique par son aspect. Elle mesure 2,50 m sur 1 mètre de large pour une profondeur de 55 centimètres. Cette machine est étrange. Son toucher est chaud et elle ronronne tout doucement. Comme si à l'intérieur, un être vivant tapis attendait son heure pour sortir. Sur le sol, il y a des dessins, 3 cercles entrelacés, de couleurs et de dimensions différentes, 1 rouge et 2 oranges. Celui du centre étant plus grand, on parvient à voir en son milieu 2 êtres humains face à face, les mains tendues vers le ciel, et en décor, une pyramide avec une étoile en son sommet. Ciel, j'ai dit ciel. Mon regard cherche désespérément le plafond à la recherche de celui-ci. Où suis-je donc? Le paysage qui m'entoure est une nature morte, de mauvais goût. Des murs lisses et d'une couleur grisâtre. Un plafond jaune canari, et sur le sol, du sable fin, comme à la plage, avec cette dalle rupestre en sa périphérie. Mon univers est un cylindre de 6 mètres de diamètre avec au plafond un rond de lumière qui semble me narguer et me crier « Tu vois, je suis là-haut, et toi tu n'es qu'un ver de terre, je domine ta vie. Tu prieras chaque jour que tu puisses te rapprocher de moi pour t'offrir la clé qui te permette de sortir de cet endroit. Mon désarroi est à son comble. Je ne serai pas ce roi légendaire de Corinthe, célèbre pour ses crimes. Il fut condamné dans les enfers à faire rouler sur la pente d'une montagne un rocher qui retombait toujours avant d'avoir atteint le sommet. Non, tu m'entends. Je ne serai pas ton Sisyphe. Je ne roulerai pas le rocher de ton indifférence éternelle afin de glorifier ton mysticisme. Par dépit, et surtout par fatigue, je m'écroule au sol, essayant de canaliser mon désespoir vers l'apogée de mes espérances. À cet instant, mon but dans l'existence sera de sortir de cette prison. De nouveau, j'émerge d'un long sommeil. Combien de temps ai-je encore dormi? Cela me semble avoir aucune importance. Cette prison n'a pas de représentation du temps qui s'écoule, trop lentement à mon goût. Ma vie, à chaque seconde qui passe, s'en va de moi, goutte par goutte, et s'enfuit vers une spirale de mort. Je ressens que chaque pore de ma peau, mon flux vital s'en va pour rejoindre le torrent du néant. Non, et il ne faut pas que je reste là à me lamenter. Il faut que je réagisse, bon sang. En premier lieu, je vais explorer ce charmant studio. À l'aide d'un morceau de métal que j'ai arraché de la cloison avec peine, j'ausculte les murs méthodiquement. Rien malheureusement ne répond à mes appels. Comme je l'avais prédit, Le mur à certains endroits est relativement friable. C'est très intéressant. Je peux creuser dans celui-ci pour pouvoir mieux l'escalader. Déjà, une voix moqueuse surgit d'en haut. Ah ah, quelle idée grotesque. Pourquoi t'acharnes-tu à vouloir t'échapper? Tu es ici pour l'éternité. Je suis ton geôlier et je parviendrai à dévorer toute parcelle d'humanité en toi afin que tu deviennes mon esclave. Tu deviendras un zombie. Non, à ça jamais. Tu m'entends, espèce de tricératops à pédale. De colère, je me lève et saisis la barre et frappe violemment l'armoire qui se brise en mille morceaux. Sous mes yeux ébahis, celle-ci se reconstitue. Les fragments sont animés de vie et recherchent automatiquement leur vis-à-vis pour former une structure parfaitement uniforme, sans trace de dommage. Je redouble de colère et frappe, frappe encore et encore. Plus je cogne et plus les morceaux se recollent, ne dédaignant plus tomber à terre. Après plusieurs heures d'efforts acharnés, je m'écroule à terre pour pleurer de larmes de colère qui d'un coup m'étreint comme le rasoir du coiffeur, coupant de très près le poil rebelle. Je ferme quelques instants les yeux et lorsque je les ouvre, je remarque une table dressée avec des victuailles. Mon regard se tourne vers le haut, mais la fin justifie les moyens. Pris d'une horrible faim, je dévore les aliments avec avidité sans utiliser les couverts. Comment diable ce repas est-il venu ici? Pourtant, je n'ai vu personne l'apporter. Il n'a pu se matérialiser tout seul, à moins qu'il n'était déjà là, et que je ne puisse le voir. C'est une possibilité folle, alternative quand même. Il faut donc que j'observe mieux mon environnement afin d'y déceler une faiblesse. Je lance avec force une cuillère contre le mur d'en face. Celle-ci, contrairement aux apparences, ne rencontre aucun obstacle et disparaît derrière celui-ci. Incroyable, elle a disparu. Évanouie de ce monde, c'est pourtant si réel. Je me lève et me précipite contre le dit mur. Fait ahurissant, mes mains touchent et sentent une surface lisse et froide. Je crois deviner. Mon cerveau, par l'intermédiaire de mes yeux, voit un mur et donc crée l'illusion d'une façade opaque et dure. Ma motivation pour sortir est la plus forte, ce qui explique le fait que la paroi soit friable à certains endroits. Je dois donc pouvoir sortir facilement. Je souhaite qu'à cet endroit même s'ouvre à l'instant une porte que je vais allègrement franchir. Déception. Aucune porte ne se dessine. On voit une brume osciller. Je tends un pied, puis l'autre. Le mur est devenu mou. Allons, un peu de courage. J'ai juste quelques pas à faire et on ne parlera plus de ce cauchemar. Je traîne les pieds vers cette brume si étrange, synonyme de liberté, de griserie. J'y parviens avec difficulté, comme si une partie de moi-même se refusait à quitter cet endroit. Il y a donc une dépendance qui s'est créée durant mon internement. Ça y est, je réussis à soulever un pied, puis l'autre. De grosses gouttes de transpiration coulent sur mon visage. Cet effort est nécessaire. Mon corps, enfin, réussit à bouger, et je franchis la brume grisâtre. Un froid intense me glace jusqu'aux os. Ma vue s'habitue à cette obscurité lunaire. Je tourne la tête et je hurle de terreur.